Chapitre 4. Comme toutes les chambres d'autrefois, celle d'Antonia était spacieuse. Ses croisées à petits compartiments, encadrées de plomb, jetaient sur les dalles une lumière faible. Un des murs était couvert d'une vaste tapisserie à figures. En face du lit à baldaquin, on apercevait une sorte de réduit mystérieux. C'était l'oratoire de feu la comtesse. Bien qu'Antonia, sans doute par un souvenir filial, éprouvait toujours un certain trouble à se trouver dans ce réduit, elle y venait le plus souvent possible depuis l'arrivée du marquis au château. Cet homme l'effrayait avec ses regards de feu, aussi bien que la comtesse avec son amabilité pleine d'affectation. Voilà pourquoi Antonia demandait à la retraite, à l'isolement, une sorte de refuge. Tous les matins, la famille, les serviteurs et ses hôtes se réunissaient pour entendre la messe dans la chapelle du château, vieille et touchante coutume par laquelle l'égalité s'établissait au sein de la prière entre les maîtres et leurs gens. Une fois au retour, Antonia trouva dans sa chambre des fleurs disposées avec goût et garnissant un magnifique vase en verre de bohème. Ces fleurs diaprées et d'où s'exhalaient de suaves parfums contrastait d'une manière toute poétique avec la saison froide, le ciel brumeux et le sol couvert d'un manteau de neige. Il y eut pour Antonia un plaisir et une crainte. La vue de ces fleurs plaisait à ses yeux, mais en même temps la jeune fille se demandait si ce n'était pas un présent du marquis, et l'idée de devoir des remerciements à cet homme lui était désagréable. Antonia interrogea Franz. Il ne savait rien. Son père n'était pas mieux informé. « C'est donc à vous, monsieur ?» dit-elle alors à César, « que je suis redevable de cette surprise ?» L'Italien eût bien voulu peut-être s'attribuer le mérite de la galanterie. Il n'osa, de peur que le vieux châtelain ne fût réellement l'auteur de ce petit manège. Il se défendit donc d'avoir rien fait porter dans la chambre d'Antonia. Celle-ci, toute rêveuse, n'insista plus, et pendant le reste du jour, elle contempla souvent ces belles fleurs qui, malheureusement muettes, ne pouvaient lui révéler leur origine. Le lendemain, elle feignit une indisposition et ne sortit pas de sa chambre. Toutefois, elle ne put refuser de paraître quelques minutes au dîner. Mais elle avait eu soin de bien fermer sa porte. Quand elle rentra, le cœur lui battait. Avant de pénétrer dans la chambre, elle y jeta un coup d'œil. Au même instant, elle aperçut d'autres fleurs dans un vase non moins beau que le premier. Au cri poussé par Antonia, tout le monde accourut. Le comte jura qu'il y avait là-dessous du sortilège, tandis que le marquis dirigeait sur Franz un regard soupçonneux. Mais le majordome paraissait aussi étonné que les autres, et il affirma qu'il ne savait pas le premier mot de cette énigme. Désormais, chaque jour, Antonia trouvait quelque chose sur sa table de toilette. Tantôt un fil de perles, tantôt un bracelet, tantôt un voile ou une riche bague. Mais de plus en plus surprise, effrayée même, elle avait résolu de ne point toucher à ces objets. Ainsi le mystérieux donateur en était pour ses frais. Instruit peut-être de ce dédain, ou au moins de cette réserve, il suspendit ses surprises, et Antonia commença à croire que tout cela n'avait été qu'un rêve, lorsqu'un soir elle aperçut sous sa table une lettre à son adresse avec cette suscription « Lisez de grâce dans l'intérêt de votre bonheur ». Sans cette recommandation, peut-être n'eût-elle pas ouvert la lettre, mais à ses yeux un tel avis était pressant, et une prière conçue en ces termes méritait d'être exaucée. Donc la jeune fille brisa le cachet et lut ce qui suit. Antonia, votre meilleur ami emprunte le langage et l'écriture des mortels pour se mettre en communication avec vous. Longtemps invisible à vos regards, il vous a contemplé tendrement, et cette tendresse fraternelle lui voulut écarter de votre jeune cœur jusqu'au plus léger souci. Aujourd'hui, si je me fais connaître, c'est qu'il faut que vous me compreniez. Il faut que vous secondiez mes efforts pour vous. Antonia, Antonia, ne soyez pas effrayée, car celui qui vous parle ici est votre protecteur. Habitant du monde idéal, il veut travailler ici-bas votre bonheur. Secondez-le, soyez forte, comme il est dévoué. Votre Ariel. Antonia relut lentement, une à une, ces lignes qui tout à la fois la charmaient et l'effrayaient. Ariel, que signifiait ce nom ? Elle dut attendre un second billet qui lui expliqua le sens du premier. Intérieurement, elle le désirait. Aussi sembla-t-il qu'Ariel eût deviné ce vœu. Le lendemain, nouvelle lettre. Antonia regarda autour d'elle avec une certaine terreur. Puis, se rassurant par un signe de croix, elle prit, ouvrit et lut la lettre qui la mettait en garde contre un mariage avec le marquis. Au moment où Antonia recommençait à lire cette lettre pour la deuxième fois, la clé tourna dans la serrure et le comte de Kinitz parut. Il entra avec un bonjour affectueux et, allant s'asseoir en face de la cheminée, il invita sa fille à prendre un escabeau et à se placer près de lui. « Ça, dit-il en croisant les jambes et caressant d'une main sa barbe argentée, nous avons à causer, petite. « Volontiers, mon père. Je me suis occupé de vous et j'espère vous voir bien pourvu avant qu'il soit peu. » Sans qu'Antonia se rendît compte de ses impressions, elle se sentit presque frappée au cœur par les paroles que son père venait de prononcer. Aussi dut-elle se contraindre pour répondre « Je vous suis très reconnaissante. Puis-je vous demander de quoi il s'agit ?»« Plaisante question. S'agit-il jamais d'autre chose pour une demoiselle que de mariage ?» Antonia pâlit. Le comte s'aperçut de son trouble et se hâta d'ajouter « Le parti que je vais accepter pour vous me paraît fort honorable. » Et vous serez de cet avis, j'en suis certain, lorsque j'aurai nommé le marquis César de Malipieri. « Lui ? » murmura la jeune fille. « Auriez-vous quelque objection à faire contre ce choix ? Le marquis ne vous semble-t-il pas un galant homme ? Peut-on se fier à un étranger, à un inconnu ? Vous le jugez sévèrement, ma fille. D'abord, le marquis n'a rien d'effrayant. C'est un cavalier de bonne mine, la physionomie tantôt grave et même un peu sévère, tantôt ouverte et gaie. Il cause à merveille, possède une foule d'anecdotes charmantes, et chante aussi bien que s'il n'était pas un grand seigneur. Étranger, oui, il l'est. Inconnu, non, il ne l'est pas, car sa famille tient un haut rang au-delà des Alpes. Et enfin, il ne s'est présenté ici que muni d'une lettre de recommandation écrite par mon vieil et respectable ami le margrave de Marbourg, qui depuis longues années habite l'Italie. Êtes-vous convaincu ? Il ne m'appartient pas, mon père, de contredire vos paroles. « Cependant, je vous demandais pourquoi le marquis aspire à ma main. Pauvre comme nous le sommes maintenant, cette alliance sera moins un avantage pour lui qu'un fardeau. Deux mots vous expliqueront ce prétendu mystère. Le marquis, voyageant en Allemagne et muni d'une lettre à mon nom, est venu ici. Bientôt, informé de notre situation, de nos malheurs, il s'est intéressé à vous. Ses intentions vous sont parfaitement connues maintenant et vous ne pouvez que l'estimer. Décidez-vous promptement. » À mon âge, un père a hâte de voir fixer le destin de sa fille. » Antonia, interdite, baissait la tête et gardait le silence. Un incident bien inattendu vint à son secours. Tout à coup, une lettre tomba dans la chambre à deux pas du foyer. Le comte se retourna brusquement et promena autour de lui des regards inquisiteurs, tandis qu'Antonia s'écriait en joignant les mains. « De grâce, mon père, ne croyez pas, j'ignorais... »« Quoi ? » dit le vieillard. « Est-ce que les billets pleuvent ici comme les fleurs ?» Et ouvrant la lettre, il lut ceci. « Antonia, pas de faiblesse. Ce mariage sera la perte de la famille. Il y va de votre bonheur, du bonheur de votre père. » Signé Ariel. « Quelle comédie !» s'écria le comte, irrité. « Mais je châtirai l'auteur de cette insolente plaisanterie. » Aussitôt, il tira son épée et se mit à en frapper la tapisserie et tous les coins un peu obscurs de l'appartement. Sa colère redoublait en raison de l'inutilité de ses efforts. « Je saurais bien, dit-il, tout essoufflé, qui me jouait ce mauvais tour. Si c'était Franz... Non, Franz est un vieux serviteur dévoué. Et d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait se loger dans un trou d'épingle ? Car j'ai beau chercher, je n'aperçois ici aucune issue. Cependant, je vais appeler Franz. » Il ouvrit la porte qui donnait sur le long couloir et fit retentir le nom du majordome. Celui-ci répondit au loin. Au bout de quelques instants, il arriva en compagnie du marquis et de sa sœur. À la vue de ses hôtes, le vieux châtelain parut un peu embarrassé de la contenance qu'il devait avoir avec son épée nue à la main. « Qu'est-ce donc ? » dit le marquis en souriant. « Vous avez l'air d'un pourfendeur de géant, mon cher comte, et vous paraissez irrité. »« Irrité ? Stupéfait, plutôt. On le serait à moins. »« Ah, voilà Franz. Où étais-tu, coquin ? » ?»« Monsieur le comte, j'étais dans le promenoir. » »« Depuis longtemps ?» « Depuis une heure. Monsieur le marquis avait la bonté de causer avec moi de ce pays et de ses mœurs. »« C'est bon, c'est bon. Mon cher marquis, j'ai besoin de vous parler. Tout ce qui se passe ici me confond. Madame la comtesse, permettez que ma fille vous tienne compagnie. Désormais, je ne veux pas qu'Antonia reste seule, fût-ce une minute. »